Chapitre 7 De Nul Négos par Raoul Bigot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La reconstitution du crime. Le jour suivant, à l'heure convenue, Charles Fland, encadré de deux solides inspecteurs de police, suivi de son avocat et des deux secrétaires de celui-ci, faisait son entrée dans l'appartement occupé par la pension de famille de Madame Veuve Durand. Dans l'antichambre, il n'y a qu'un inspecteur qui invite les nouveaux arrivants à entrer dans la première pièce à droite qui, on se le rappelle, était la chambre réservée jadis à Charfland. L'inculpé entre, sans gêne apparente, mais soudain se redresse et s'arrête, stupéfait. Il vient apercevoir, assis devant la petite table où il lisait d'habitude, faisant face à la porte, un homme qui lui ressemble en tout point à lui, Charfland. C'est incontestablement son sosie. Le regard de l'inculpé se relève et il aperçoit, immobile et silencieux, debout dans un coin, quelques hommes en redingote, parmi lesquels il reconnaît le juge d'instruction Delondré, son greffier et son secrétaire, en compagnie du procureur général et du détective Max Sempère. Un cinématographe est installé dans un angle de la pièce. Ces messieurs saluent les avocats. « Quelle est cette comédie ?» interroge le défenseur principal en regardant le personnage camouflé en Charfland. Sans attendre de réponse, Charfland calme son avocat. « Mon cher maître, si ces messieurs veulent s'amuser de cette comédie, libre à eux, à quoi servirait de protester, sinon à créer des doutes dans leur esprit ?»« C'est bien, » dit l'avocat. « Alors, nous allons commencer, » annonce M. Delondré, pendant que discrètement, il appuie sur un bouton de sonnette dissimulé. Pour la simplification du récit, nous appellerons par la suite Charfland, le policier maquillé, qui va jouer le principal rôle. Lorsque nous ferons allusion au véritable inculpé, nous le désignerons par ces mots, le vrai Charfland. Charfland donc, la tête entre les deux mains, les coudes appuyés sur la table, pense tout haut. Monsieur Théric, puisque nous sommes voisins, à nous deux. Ah, vous n'avez pas voulu vous conformer aux ordres de la bande invisible. Pour un peu, vous la faisiez pincer. Vous croyez être libre de la taxe de 2 millions de dollars que je vous avais imposée. Votre compte ici, aux établissements financiers de l'Universal Crédit, est pourtant bon pour cette somme. J'ai pu vous précéder de 2 jours. Avec mon chèque, la dame Durand ne pouvait me refuser cette chambre, et je suis maintenant, avec vous, le seul pensionnaire dans cet appartement. Cette dame Durand doit bien s'absenter de temps à autre. Reste la bonne. Qu'en ferai-je? Enfin, laissons passer quelques jours. J'arriverai bien à m'en servir, ou à la mettre hors d'état de me gêner. C'est extraordinaire comme je me sens à l'aise. Oui, vraiment, c'est plus facile de tenter un coup, absolument seul. Je suis à l'abri de la trahison ou de la maladresse des complices de la bande. Ah, mais par exemple, celle-ci n'aura pas sa part entière des bénéfices, puisque, seul et à son insu, je m'expose pour mener à bien cette affaire. Charfland sonne. Thérèse Villa, un sosie, frappe à la porte, entre et s'arrête, intimidée par le regard impérieux que lui jette le client. L'examen dure quelques instants, pendant lesquels la pauvre fille semble perdre contenance. Un frisson nerveux la parcourt. « Veuillez m'apporter mon thé, » prononce enfin Charfland. « Oui, monsieur, » balbutie la bonne. Celle-ci partie, le voyageur se remet à monologuer. « Si je ne me trompe, cette femme doit être un excellent sujet. Ce serait un vrai bonheur. » Il faut que je sache tout de suite à quoi m'en tenir. » La servante revient, portant un plateau qu'elle pose sur la petite table. Elle n'ose lever les yeux tant elle craint le regard qu'elle sent peser sur elle. Sa besogne terminée, elle lève la tête. Charfland se dresse de sa chaise. Son regard fixe exprime une volonté tendue à l'excès. Thérèse Villa semble vaciller. L'homme fait rapidement quelques passes magnétiques. Puis il approche une chaise et la femme, hypnotisée, s'assoit. « Elle est bien endormie, » murmure l'opérateur. « C'est un sujet remarquable. Ce n'est qu'un jeu pour moi de le pétrir à ma guise, mais il faut procéder par étapes. » « Thérèse, » ajoute-t-il d'une voix basse sur un ton autoritaire, « je vous défends, entendez-vous, je vous défends de répéter jamais ce que je vous commanderai de dire et de faire. Dites-moi que vous obéirez à cet ordre. » « Oui, » murmure l'endormi en tressaillant. « Maintenant, vous viendrez cette nuit me dire ceci. J'obéirai à votre volonté, jamais je ne parlerai de vos ordres. » Le magnétiseur fait ensuite quelques passes. La pauvre névrosée se réveille et charflande, d'une voix douce cette fois. « Vous avez eu une faiblesse, mon enfant. Il ne faut pas trop vous fatiguer. » Et la domestique s'en va, accompagnant sa sortie d'un faible. « Oh, ce n'est rien, monsieur. » La présence de l'actrice maquillée en Thérèse Villa n'émeut pas l'inculpé. Mais l'avocat, irrité par ce spectacle dont il ne peut prévoir l'aboutissement, pose encore une fois sa question en s'adressant au procureur général. « Mais enfin, que signifie cette comédie ?» Le procureur répond simplement. « Monsieur le juge mène son instruction comme il lui convient. Vous n'avez pour le moment rien à objecter, puisque, dûment convoqué, vous êtes présent. Vous pourrez ensuite déposer toutes les conclusions qu'il vous plaira. » Il n'y a rien à répondre. Monsieur de Landré prend alors la parole et déclare. « Maintenant, nous sommes au soir du crime. » Sur un signe, l'électricité est allumée et les tentures sont baissées. Charflande se remet à monologuer. « La première épreuve que j'ai imposée à Thérèse a parfaitement réussi. Celles qui ont suivi également. Cette fille est en mon pouvoir. Je puis compter sur elle. Elle vient de me dire que sa maîtresse, partant de bonne heure demain matin, sera absente toute la journée. Le moment est venu d'agir. Apprenons d'abord son rôle à cette innocente complice. » Il sonne. Thérèse se présente. Un seul regard, un seul mot. Dors. Et le sujet, remarquable en effet, s'affaisse sur une chaise, en proie au sommeil magnétique. De sa voix sourde de commandement, le voyageur lui donne les ordres suivants. Tu dormiras toute la nuit. Demain, tu n'entreras pas dans les appartements des Téric avant que ta maîtresse ne soit partie. À la première heure, tu fermeras à clé les portes du grand salon sans entrer dans la pièce. Tu garderas les clés. Tu diras aux femmes de ménage de ne pas entrer dans ce salon où est réunie la famille Téric. Au retour de ta maîtresse, tu lui diras qu'il y a eu des malades chez les Téric et que la famille n'a pas quitté le salon de toute la journée. Au milieu de la nuit suivante, tu remettras les clés aux portes du salon, tu feras jouer les serrures et tu iras te recoucher. À trois reprises différentes, il répète ses ordres, s'assurant, après chacun d'eux, que le sujet a compris et obéira. Aussitôt, Thérèse est réveillée et se retire. L'inculpé reste songeur, absorbé, mais rien ne révèle son émotion. Charflande quitte ses bottines et se chausse de légères pantoufles de feutre. Il va vers l'une de ses valises, ouvre un compartiment fermé à clé et en sort une sorte de trousse qu'il place sur la table. Il met alors des flacons, des tampons, une petite boîte, un masque loup dans les poches de son veston. À la vue de ces préparatifs, l'inculpé paraît redoubler d'attention. Charflande tire sa montre. Il est 10 heures. La vieille Durand dort. Les enfants et la gouvernante sont couchés. Les deux Téric sont en train de lire au grand salon. Allons, c'est l'instant. Il ouvre la porte avec précaution et murmure satisfait. C'est délicieux, un appartement de ce genre. Aucune porte ne grince. Les tapis épais étouffent par tous les pas. Il se dirige vers la droite et parcourt la galerie, guidé par le ray de lumière qui s'échappe de la porte du salon. Il tourne à droite dans le couloir et s'arrête devant la penderie. Il entre avec prudence et, s'éclairant d'une lampe électrique de poche, il monte sur un escabeau pour détacher l'un des deux fils aboutissant aux piles qui actionnent toutes les sonneries de l'appartement en disant « On ne sait pas ce qui peut arriver ». Sorti de la penderie, il revient sur ses pas. Il reprend haleine devant la porte du salon, couvre son visage du masque et, avec des précautions infinies, fait tourner le loquet et pousse la porte. Aucun grincement ne se produit. Les témoins, en suivant l'acteur principal, peuvent voir, réunis autour de la grande table, éclairée par les lampes du lustre, toute la famille Théric reconstituée par des personnes habilement travesties. Monsieur et Madame Théric sont sur la gauche en entrant, confortablement installés dans de grands fauteuils, et lisent, lui un journal, elle un livre. Face à la porte, les deux fillettes, à genoux sur des chaises, encadrent la gouvernante debout qui feuillette un grand album d'images. Le malfaiteur était entré, sans que personne se soit aperçu de sa présence. Il murmure. « Ah, je croyais n'en rencontrer que deux, ici. » Mais, comme la gouvernante lève à ce moment les yeux, il n'hésite pas, tire de sa poche une sorte de vaporisateur et, d'un mouvement circulaire, lance un jet de liquide sur le visage des cinq personnes présentes qui, sous l'effet instantané du stupéfiant, paraissent s'endormir. La scène a été si rapide que l'on conçoit qu'un coup ainsi combiné et exécuté ait pu réussir. Charfland sort de sa poche un tampon qu'il fixe sur sa bouche et sous son nez, ferme la porte, puis, aspergeant du liquide d'un autre flacon un fort paquet d'ouate, il applique celui-ci successivement sur le visage de Madame Théric, des enfants et de la gouvernante. Il éteint l'électricité et ouvre une fenêtre. Au bout de quelques instants, on l'entend dire. L'air devient respirable. Il ferme la fenêtre, rallume le lustre et se dirige près de Monsieur Théric qui semble dormir. Il le bâillonne, lui attache les mains, puis les pieds, avec des cordelettes. Il fouille dans la poche intérieure du veston et, radieux, en sort un carnet de chèques qu'il place sur la table, à côté d'un nécessaire à écrire qu'il va chercher dans le petit salon. Il épie les mouvements de sa principale victime. Un quart d'heure s'est écoulé, l'effet du stupéfiant va disparaître. Il tire alors un revolver d'une poche de son pantalon et dispose, à portée de sa main, son vaporisateur. Monsieur Théric revient à lui. En apercevant l'homme masqué, il fait un mouvement se lever. Mais Charfland, d'une main robuste, le force à se rasseoir et, le revolver sous le nez, lui tient ce discours à voix basse. « Théric, vous êtes, vous et les vôtres, en mon pouvoir. Voyez vos voisins. Ils sont chloroformés et incapables de quoi que ce soit. Vous, vous êtes bâillonnés et immobilisés. Il est inutile d'essayer de me résister. D'ailleurs, ce que je viens vous demander est bien peu de chose pour vous. Vous allez simplement me signer un chèque de 10 millions de francs sur l'universel crédit. » L'interpellé, d'un mouvement brusque de la tête, répond « Non. Moi, je vous dis que vous me le signerez en l'accompagnant d'une petite lettre pour me permettre de le toucher sans difficulté. Ou sinon... » Et ses yeux devinrent menaçants. « Je vais procéder devant vous à l'exécution de votre femme et de vos enfants. Ce sera votre tour après. Je vous donne 10 minutes de réflexion. Dans 10 minutes, si vous n'êtes pas disposé à me signer les deux petits papiers que je vous demande, bien peu de choses pour le milliardaire à Astérix, vous aurez condamné les vôtres à la mort et je ne vous ferai pas grâce de l'exécution. J'ai dit. » Froidement, Charfland s'installe sur un siège de l'autre côté de la table, sans quitter des yeux l'Américain, le revolver dans une main, sa montre dans l'autre. Les 10 minutes passent, au milieu d'un silence troublé seulement par la respiration un peu bruyante du vrai Charfland et par le tic-tac régulier de l'appareil phono-cinématographique qui fixait sur le film et sur le disque cet acte principal de la reconstitution. Le délai achevé, Charfland se lève. « Eh bien » interroge-t-il. Théric incline la tête en signe d'acquiescement. « C'est bon, continue le misérable. Je vais vous délier les mains, mais comme vous pourriez être tenté d'agir contre moi, je vais me placer comme ceci. et il passe entre l'Américain et sa femme. De la main droite, il appuie le revolver contre la tempe de l'Américaine et de la main gauche, sortant un second revolver de la poche de son pantalon, il le dirige contre Terrick. Au premier mouvement insolite que vous faites, je vous brûle tous les deux. C'est bien entendu, n'est-ce pas ? Il abandonne le revolver qu'il tenait de la main droite et délie les poignets du chef de famille, puis reprend son revolver qu'il place comme précédemment. Vous avez tout ce qu'il faut devant vous. Écrivez. D'abord, votre chèque, payable à présentation à M. Géo Ellie. Bien. Maintenant, la lettre sur votre papier personnel est telle que je vais vous la dicter. Paris, la date d'aujourd'hui. Établissement financier de l'Universel Crédit, Paris. Messieurs, j'ai l'avantage de vous informer que je viens d'expédier en faveur de M. Géo Ellie mon chèque numéro 203 de 10 millions de francs, somme que je vous serai obligé de payer à présentation en débitant mon compte à vue. Veuillez agréer, messieurs, mes sincères salutations. Signez maintenant. PS. Vu l'importance de la somme en jeu, je vous envoie ci-jointe la signature de M. Géo Ellie. Il est convenu que ce dernier devra signer devant votre service intéressé l'acquis du dit chèque. Il se présentera sans doute dès demain. Votre paraphe. Bien. Maintenant, écrivez sur l'enveloppe l'adresse de l'Universel Crédit. Service des étrangers. Collez un timbre, ne cachetez pas. Sur le recto de l'enveloppe, mettez en grosses lettres « Urgent ». Tout est bien ainsi. Vous ne pouvez supposer que je vais vous rendre la liberté tout de suite. Non, je vais vous endormir encore une fois. Quand vous vous réveillerez tous, j'aurai les 10 millions et vous pourrez me faire rechercher. En achevant ces mots, Charflonde lança quelques gouttes du contenu de son vaporisateur au visage de Terrick, dont la tête retomba brusquement sur le dossier du fauteuil. Le misérable sortit de sa poche la petite boîte qu'il avait prise en partant. Elle contenait une seringue bravase et un petit flacon. Tout en préparant ses objets pour sa sinistre besogne, il se parla à lui-même. A-t-il été bête, vraiment, comme si je pouvais laisser un seul témoin de ce qui vient de se passer, même ceux-là. Et il regardait les enfants. Ils doivent pouvoir jamais rien dire. Oh, vous ne souffrirez pas. C'est un poison miraculeux, encore inconnu de vos médecins légistes. Une goutte suffit. Le contenu de la seringue pourrait servir pour plusieurs familles. Vous passerez sans transition brusque du sommeil à la mort. Pas de cris, pas de lutte, pas de sang. C'est l'instrument idéal. Et puis, il empêche la décomposition pendant plusieurs jours. Alors, pas de mauvaise odeur révélatrice à craindre demain. Et le sinistre bandit, une fois prêt, pique légèrement le bras de chacune des 5 personnes présentes, de la pointe aiguë de la seringue, et appuie légèrement sur le piston. C'est fait. Et, ramassant soigneusement tous les objets dont il s'est servi, y compris les tampons et les liens, il ajoute « Voilà, vraiment du beau et propre travail. » D'un coup d'œil, il embrasse la scène, aperçoit le nécessaire à écrire et va le reporter dans le petit salon. À ce moment, le juge d'instruction, qui suivait attentivement les jeux de physionomie du vrai Charflonde, l'interpella. « C'est bien comme cela que vous avez agi, Charflonde ?» L'homme tressaillit sans pouvoir trouver une parole. L'avocat, qui ne comprenait rien à ce mutisme, lui cria « Mais défendez-vous donc !» Sous l'effet de cette apostrophe, l'inculpé répondit « Je ne comprends rien à ce qui se passe ici. Mon émotion est bien admissible quand on veut me faire passer pour l'auteur du crime effroyable que vous venez de faire parodier. » « Bien, continuons, » déclare simplement M. de Landré. Charflonde éteint la lumière, sort et laisse la porte entrouverte. Dans sa chambre, il pose ses divers instruments sur une table, tire de sa trousse un autre petit vaporisateur, revient au salon, répand un nuage en marmottant. Comme cela, aucune trace d'odeur ne peut subsister. Et il pousse la précaution jusqu'à asperger ses propres vêtements et ses mains. Il vérifie si les clés des 3 portes donnant dans le salon sont bien à l'extérieur. Il sort enfin, pour la dernière fois. Il retourne à la penderie et remet en place le fil des sonneries aboutissant aux piles. Il est bientôt chez lui, pousse par précaution le verrou de sa chambre et procède avec soin à la confection d'un petit paquet dans lequel il rassemble tous les outils et ingrédients divers dont il vient de se servir. Il s'assoit et contemple, radieux, le chèque et la lettre signée A.H. Théric. Il ramène vers lui l'encrier et la plume, plonge la main dans la poche droite de son veston. Cette main s'agite comme si elle cherchait quelque chose. Il la retire et contemple le dessus. Cela ne se voit pas du tout. Puis, il tourne la main et regarde la paume. Celle-ci renferme un petit appareil bizarre qui, en fil d'acier peint de la couleur de la peau, est à peine visible. Ces fils semblent maintenir plusieurs phalanges des doigts. Encore une de mes inventions. Bien malin, l'espère graphologue, qui pourra trouver un seul point commun entre mon écriture normale et celle que je trace avec ce petit joujou qui contrarie tous les réflexes habituels de la main et des doigts. Il prend la plume et sur la seconde feuille de la lettre Théric signe, en caractère assez gros, G.O.L.I. La lettre est cachetée. À ce moment, le juge prend la parole pour indiquer que Charfland est allé mettre la lettre au bureau de poste le plus proche. Le meurtrier est revenu dans sa chambre. On l'entend murmurer. Préparons-nous pour demain. Du compartiment à serrure secrète de l'une de ses valises, il sort un chapeau melon et un complet veston de la même étoffe foncée que celui qu'il porte sur lui et place, dans des poches intérieures, son déformateur de main d'un côté, son paquet de pièces à conviction de l'autre. « Nous voici au lendemain matin », déclare à ce moment M. de Landré. Les rideaux sont tirés, la lumière éteinte. Charfland change de costume. Il endosse les vêtements retirés de sa valise. Il entr'ouvre très doucement la porte et se met en observation. Il est 8 heures. Madame Durand s'en va. Ses recommandations à la bonne prouvent bien qu'elle rentrera tard. Le juge d'instruction prend à nouveau la parole. « Messieurs, nous allons suivre Charfland dans ses pérégrinations. » L'inculpé ne dit rien et, docile, accompagne ses gardiens au milieu du groupe qui suit son sosie. Ce dernier, en passant devant la loge de la concierge de l'immeuble, remarque tout haut qu'elle est bien, à cette heure, dans l'escalier de service. Sans hésitation, en prenant un chemin compliqué, Charfland arrive dans une rue assez animée et s'engage délibérément dans une allée située entre une maison de rapport sans boutique et un petit café. Il s'arrête dans la cour. Le juge fait observer que tous les témoins ne pouvant suivre, sur le lieu même, les agissements de l'assassin, la scène sera reconstituée dans la cour. Charfland recommence à monologuer. « C'est bien ce que j'avais prévu. À cette heure, la concierge n'est pas dans sa loge. Le café n'a pas encore de clients. Je puis donc aller vers le lavabo de cet établissement qui, mon enquête est faite depuis longtemps, donne au fond de ce petit couloir. » Le bandit, opérant alors comme s'il était dans le petit réduit, fait le geste de précipiter un à un les objets du crime dans la cuvette, puis tire la chaîne en murmurant « Adieu les pièces à conviction, car ici c'est du tout à l'égout. » Il ôte ensuite son veston, puis, grâce à des agrafes habilement dissimulées, il fait 2 plis dans le dos et lui donne la forme d'un vêtement pincé à la taille. Il augmente la longueur des revers que des parements de soie, dissimulés jusqu'ici dans la doublure, ornent bientôt. Il rabat les extrémités jusqu'alors relevées de son pantalon, remplace sa régate par un nœud, ajuste à son visage une belle barbe noire en pointe et une moustache, il met un lorgnon, pique une décoration à sa boutonnière. De son pantalon, il retire un tube qui, déployé, forme une canne élégante. Il échange ses gants bruns contre des gants jaunes clairs. La métamorphose est l'affaire d'un instant. Elle est réussie. Malgré la teinte générale des vêtements, restée la même, la silhouette est tellement transformée qu'il ne viendrait à l'idée de personne de rapprocher l'homme d'aspect calme, de démarche un peu lourde qui est entré, avec l'homme d'aspect élancé et élégant qui sort. Charfland, par un itinéraire dont nous ferons grâce au lecteur, mais qui dénote un plan longuement mûri d'avance, arrive jusqu'à un grand magasin de confection. Avec un fort accent espagnol, il demande un pardessus léger. Il choisit une teinte grise, très foncée, neutre. Il paie et s'en va, le pardessus sur le bras. Le grand premier rôle accapare l'attention générale, sauf celle de M. de Landré qui examine sans répit l'inculpé. Cet acte terminé, Scharfland n'hésite pas plus qu'après les précédents. Il prend délibérément une direction et amène tout le groupe dans un très grand café à l'heure où l'apéritif commence à créer du mouvement. Il s'assied à une table voisine de l'un des deux escaliers menant au lavatory. Il commande une consommation qu'il règle aussitôt et dont il boit la moitié. Puis, s'abritant en partie derrière un journal, il fixe attentivement l'escalier. Une femme en noir, tablier et bonnet blanc, la préposée d'en bas, apparaît et se dirige vers la caisse. Elle ne manque pas à son habitude, c'est l'heure de sa causette, prononce pour les témoins le bandit. D'une démarche naturelle, il se dirige vers les lavabos et mime alors la scène qui se passe dans un endroit plus discret. Il se déshabille, retourne ses vêtements et apparaît vêtu d'un gris assez clair. Il change de nouveau de cravate, range sa canne, rentre ses gants, pétrit de ses mains son melon truqué et en fait un feutre mou, fendu au milieu. Il retire ses postiches et étale une belle barbe grisonnante, se coiffe d'une perruque de même teinte, endosse le par-dessus et d'une allure légèrement claudiquante, qu'il ne quittera plus tant qu'il aura cet aspect, il s'achemine vers l'autre escalier de sortie. Il retraverse le café, assez loin de la caissière, absorbé dans sa conversation avec la préposée. « Cela va bien, » murmure-t-il. « G.O.L.I. est né sans difficulté. » Un changement peut faire suivre une trace. Deux sont tout à fait déroutants. Il se rend dans un magasin près de la bourse, où il achète une grande serviette à deux poches, dont il vérifie les dimensions avec un mètre que lui prête la vendeuse. Quelques instants après, il entre dans le hall des établissements financiers de l'Universel Crédit et s'engage dans le bel escalier qui mène au luxueux salon du service des étrangers. Il se dirige vers l'un des huissiers et, avec un fort accent américain, « Veuillez annoncer, Monsieur Joe Helly, à votre chef de service !» L'huissier lui tend un bloc et un crayon. Mais, comme s'il ne s'apercevait pas de ce geste, Scharfland épelle lentement. « J-E-O-H-E-L-L-Y » à l'homme qui, de bonne grâce, inscrit ses lettres sur le bloc. « Comme motif de la visite ?» demande le garçon. « Votre chef de service doit être au courant, c'est pour toucher un chèque. » Quelques instants après, l'huissier revient, l'air un peu ébahi. Il s'incline profondément devant G.O.L.I. qui s'est négligemment assis sur un canapé en lui disant « Si monsieur veut me faire l'honneur de me suivre, monsieur le directeur général, qui est précisément chez le chef du service des étrangers, se fera un plaisir de le recevoir. » Quelques instants après, tout le groupe était dans le bureau de ce chef. « Monsieur G.O.L.I. »« Moi-même, monsieur. » Vous venez pour un chèque ?»« De 10 millions de francs, signé à H. Terrick. Vous devez être prévenu. Voici le chèque. » Le bénéficiaire tendait le précieux papier en question. Le chef de service l'examina, puis le passa à deux employés, appelés spécialement lors de l'annonce de l'important visiteur. La somme à payer étant considérable, il ne fallait pas en effet procéder à la légère. La concordance du chèque et des indications de la lettre du tireur fut soigneusement vérifiée, ainsi que la signature de M. A. H. Terrick. « Vous voulez la quitter tout de suite ?»« Parfaitement. Il a d'ailleurs été convenu avec M. A. H. Terrick, car vous pensez bien que l'on ne prend jamais assez de précautions, que je signerai l'acquis devant vous. » En disant ces mots, Scharfland mettait sa main droite dans la poche de son veston et la retirait aussitôt. Il prenait la plume et, sous la formule d'acquis mise au dos du chèque au moyen d'un tampon, traçait la fameuse signature « G.O.L.I. » en présence du personnel de la banque. Pendant la nouvelle vérification, l'assassin se débarrassait prestement de l'outil encombrant dont il avait muni la paume de sa main. « C'est très bien, monsieur. Les 10 millions de francs sont à votre disposition. Désirez-vous en espèces une partie de cette somme ? J'espère que vous nous ferez l'honneur de nous permettre de vous ouvrir un compte. Les conditions de la maison sont avantageuses, en particulier... Non, je regrette, messieurs, mais pour le moment, tout au moins, il ne s'agit pas de cela. J'ai des ordres précis de Monsieur Torrick qui m'honore de sa confiance et de son amitié, et je dois aujourd'hui même procéder à une répartition en espèces de ces 10 millions. Si donc, vous voulez bien me remettre cette somme en billets de 1 000 francs, afin qu'elle soit portative, je sais qu'il faut pour cela. Voyez. Et il montrait son grand maroquin. Le directeur et le chef de service eurent un haut-le-corps. Mais ils pensèrent rapidement que devant un client, comme pourrait l'être un jour cet homme, il ne fallait pas laisser supposer un seul instant que l'universel crédit éprouvait l'ombre d'une gêne à payer à vue une somme aussi forte. C'est bien, monsieur, vous aurez satisfaction. Et par téléphone, des instructions furent données. Quelques minutes après, deux caissiers parurent. Sur le grand bureau, ils disposèrent les piles de billets. Voici, monsieur, 100 liasses, contenant chacune 100 billets de 1 000 francs. Le soi-disant Géoelli se lève, compte les liasses, en prend quelques-unes au hasard et vérifie le nombre de paquets parcellaires de 10 billets et quelques-uns de ses petits paquets. Sans hâte, il range les liasses dans sa serviette. Il en fait 6 piles de chaque côté. En fermant le rabat de l'une des deux poches, il éprouve quelques difficultés pour faire entrer l'une des courroies dans ce coulisseau. Il plie la serviette, qui présente alors, comme dimension, 43 cm de longueur sur 33 cm de largeur et 20 cm d'épaisseur, prend ce gros colis sous le bras, salue et se dirige vers la porte. L'inculpé, un peu pâle, observe. Le juge d'instruction lui fait remarquer. « Vous voyez, cher Fland, que tout est bien reconstitué. Vous continuez à garder le silence ? Nous allons donc vous suivre avec le produit de vos crimes. » À la sortie du bureau, Géoelli est l'objet de l'attention des employés présents dans le hall, et l'on entend. « Faut-il être fou pour promener ainsi une pareille fortune ?» Sans s'émouvoir, le porteur des 10 millions franchit la grille d'entrée, tourne à droite et recommence à parcourir un circuit bizarre. Tout en marchant, il défait son pardessus. Il entre dans une allée où, rapidement, il glisse la serviette dans une sorte d'étui musette de couleur cachou et passe la courroie de manière à porter la charge sur son épaule. Il repart sans boiter. Dans une autre allée, qui conduit à un salon de coiffure situé à l'entresol, il se débarrasse de sa fausse barbe. D'un tour de main, il fait de sa cravate régate truquée un grand nœud et transforme son chapeau mou fendu en chapeau rond. Sur la rampe de l'escalier, qui n'aboutit que chez le coiffeur, il dépose son pardessus, après avoir arraché le nom du magasin où il se l'est procuré. Ce serait bien étonnant qu'il arrive d'ici à la préfecture. Il est maintenant dehors, sous un nouvel aspect. Il n'a plus rien du Géoelli précédent. Dans un grand café, il confie sa précieuse musette à la caissière. « Je reprendrai ce colis dans 2 ou 3 heures. »« Maintenant, » ajoute-t-il pour lui-même, « il faut que Charfland renaisse. » Il hèle un taxi et se fait conduire, non loin de la pension de famille, vers laquelle il se dirige à pied. Arrivé à destination, il entre délibérément, monte et ouvre doucement la porte avec une fausse clé. Chez lui, il procède à une nouvelle transformation et apparaît comme au moment de son départ. Il sonne pour demander à Thérèse si quelque courrier est arrivé pour lui. Sur réponse négative, il s'en va, passe lentement devant la loge et d'un coup d'œil s'assure que la concierge l'a bien vu. D'un pas tranquille, il se dirige vers un restaurant où il déjeune fréquemment. Il s'assied pendant que l'inculpé, toujours encadré de ses 2 inspecteurs d'une part et les autres témoins d'autre part, prennent place à des tables voisines. C'est là que le déjeuner annoncé par M. Delandré est servi. C'est un entr'acte. Tous déjeunent avec appétit, à l'exception du vrai Charfland qui essaie en vain de faire bonne contenance. Cet entr'acte est suivi d'un autre. Le café leur est servi dans un établissement voisin où Charfland passe ostensiblement devant la caisse et devant des habitués dont il est certainement connu de vue. Le juge d'instruction prend alors la parole et dit « Messieurs, en sortant d'ici, l'assassin a passé l'après-midi dans un cinéma où il allait assez souvent. En entrant, il a eu soin d'échanger quelques mots avec la caissière, le portier, l'ouvreuse. Pour gagner du temps, nous brûlerons cette étape. Nous nous supposerons arriver à la chute du jour et nous nous transporterons au dit cinéma pour continuer la reconstitution au moment où la représentation s'achève. » Dans le vestibule de la salle de spectacle, Charflan se reprend à monologuer. Les derniers spectateurs s'en vont. Ils se cachent dans l'ample tenture qui ferme la salle. Tout est éteint, c'est bien. Il rentre dans la salle, se déshabille à nouveau, retourne ses vêtements et en quelques instants redevient l'homme porteur de la musette. Il sort en s'essuyant les yeux et en étirant ses membres. Le portier, qui éteignait les lampes du vestibule, remarque. Encore un qui s'était endormi. Les ouvreuses ne pensent toujours qu'à décamper au premier signal de la retraite. Charflande retourne au café, demande sa musette qui lui est remise, met une pièce blanche dans le tronc placé sur le comptoir, remercie, passe au lavabo où il vérifie le précieux contenu de la modeste musette et s'en va. Puis, la nuit est venue maintenant, fait remarquer le juge. L'assassin se dirige vers les quais. Il s'arrête sous la pile d'un des nouveaux ponts, s'assure que personne ne le regarde et procède, comme il a d'ailleurs soin de l'expliquer à haute voix. Quelle bonne idée j'ai eue de noter cette observation faite par un camarade de la bande invisible qui a travaillé comme maçon à ce pont. Derrière cette pierre, a-t-il dit, il y a un vide qui pourrait servir de bonne cachette. J'ai travaillé ici, bien souvent, par reprise d'une demi-heure à une heure par nuit. Personne ne m'a jamais dérangé. Aussi la pierre est-elle actuellement proprement descellée. J'enlève les baguettes peintes qui imitent bien les joints. Grâce à ce ciseau plat, j'enlève la pierre. Ah, elle est lourde, mais je suis fort. Maintenant, pour éviter la détérioration de ces précieux bouts de papier, entourons la musette de cette toile caoutchoutée. Avec cette solution, collons-la de manière à rendre le paquet étanche. Le voici en place. Mais quand le reverrai-je? S'il faut attendre des mois, des années même, j'aurai la patience. L'enjeu en vaut la peine. Remettons la pierre avec ce ciment que j'avais pris soin d'emmagasiner dans la cachette. Un peu d'eau de la Seine et avec cette mignonne truelle, voilà de quoi faire un nouveau joint. Là, c'est terminé. Enfin, nettoyons la place. Le reste du ciment, la truelle, l'appareil assigné, la canne, à la Seine. Toujours personne aux alentours. Bien, je peux changer de costume. Me voici redevenu le paisible Charflande. Et maintenant, la justice peut venir. En arrivant sous la pile du pont, les gardiens furent obligés de faire asseoir l'inculpé sur une vieille caisse qui traînait là. Il ne pouvait se tenir debout. Il était livide. De grosses gouttes de sueur coulait sur son visage. De plus en plus tremblant, son masque lui donnait l'aspect d'une bête aux abois. Lorsque son sosie eut jeté sa dernière phrase, « Et maintenant, la justice peut venir », M. de Landré, s'adressant directement à l'inculpé et le désignant du doigt, lui cria « La justice est venue, Charflande, elle est là et vous demande compte de vos crimes !» L'assassin blêmit encore. Sur le point de s'évanouir, il ne put que murmurer. « Mais qui donc m'a vu? Qui donc m'a livré? Je n'avais pourtant pas de complice !»« Greffier, » dit M. de Landré, « inscrivez les aveux du coupable. » Et le greffier, sans protestation du misérable, qui n'était plus qu'une loque humaine, nota les aveux attendus. « Charflande, vous reconnaissez exact la reconstitution à laquelle vous venez d'assister ?» À quoi cela servirait-il de nier maintenant, puisque vous avez toutes les preuves? C'est bien. Inspecteur, reconduisez l'inculpé en prison. Ainsi se termina cette sensationnelle reconstitution d'un crime qui avait, à juste titre, passionné l'opinion publique tout entière. Malgré les demandes réitérées de l'avocat, le juge refusa de le mettre, lui et l'accusé, au courant des moyens qu'il avait employés pour la découverte de tous les détails de l'affaire. Les droits de la défense ont été respectés. Il ne reste maintenant que les aveux du coupable, se borna à répondre le juge. Le soir même de cette épique journée, Max, son père, visita Charflande dans sa cellule. Il réussit à faire naître dans son esprit la croyance que la bande invisible était pour quelque chose dans la découverte de son crime. La bande, à l'annonce du crime, avait bien deviné que c'était lui, Charflande, qui était l'assassin et qu'il était par la suite en possession des 10 millions. La bande avait alors dépêché à Paris 2 acolytes pour lui réclamer la part commune, mais Charflande avait refusé de reconnaître ses associés et n'avait pas répondu aux signes de ralliement qui lui avaient été faits. Jugeant que Charflande voulait s'approprier la totalité du vol, la bande avait ouvert une enquête dont elle fit communiquer les résultats anonymement au juge. Cette enquête fut le point de départ de l'instruction qui avait abouti. Charflande, sûr de ce qui l'attendait, livra alors à Max, son père, par esprit de vengeance, tout ce qu'il savait de la bande invisible. Et le détective américain, radieux, retraversa l'océan, sûr que cette fois, tous les associés tomberaient en son pouvoir. 3 mois après la reconstitution de son crime, Charflande était exécuté. Presque en même temps, M. de Landré, bénéficiant d'une promotion exceptionnelle, obtenait un siège de conseiller à la cour d'appel. C'étaient les remerciements du gouvernement qui, grâce à lui, avait pu répondre victorieusement à une interpellation déposée depuis longtemps sur la mauvaise administration de la justice. Cette interpellation, quoique conçue en termes généraux, ne visait au fond que l'affaire Charflande. Mais la généralité même de ces termes avait obligé son auteur à la discuter. Au fond, l'interpellateur ne visait qu'à un scandale capable d'ouvrir une crise ministérielle. L'affaire Charflande écartée par les aveux du coupable, il ne restait que des broutilles dont le garde des Sceaux avait eu vite fait de se débarrasser. Retournant alors contre ses adversaires l'arme dont ils avaient voulu se servir, le ministre avait exposé le travail formidable accompli par la justice pour arriver à confondre l'unique coupable, sans aucun complice, d'un drame effroyable, exécuté dans des conditions tellement mystérieuses qu'il avait fallu un véritable génie et un labeur énorme pour faire jaillir la vérité. Fin du chapitre 7, lu par Isaad, quelque part en France.